Le jeu alternatif, c'est comme la médecine alternative, finalement. C'est un jeu qui ne nous vient pas à l'esprit en premier lieu. On pourrait classer alors les jeux en deux parties. On aurait les populaires et les alternatifs. Populaires, ce serait simplement ce à quoi on a tendance à penser. Si je parle par exemple du domaine du jeu de rôle, vous pensez à Donjons et Dragons, à Warhammer ou peut-être à Star Wars. Alternatif, ça pourrait même se diviser en encore deux catégories. Par exemple, un jeu amateur pourrait être un jeu alternatif. Ou alors un jeu qui n'est pas une grosse licence phare. Ça peut être un jeu indépendant. Quelque chose qui a été non publié ou alors trop peu, qui n'est pas visible pour le grand public. Seuls quelques joueurs en connaissent l'existence. Donc ouais, ce serait plutôt un jeu amateur selon moi. Il existe bien des jeux dans le monde, probablement plus qu'on ne l'imagine. Je pense que beaucoup de créatifs aiment faire leur propre jeu. Et c'est pas obligé de sortir de leur cercle. Ça me paraîtrait possible en fait que la quantité de jeux surpasse largement celle sur le marché, en comptant du coup ces jeux qui seraient un peu cachés. La deuxième partie des jeux alternatifs pour moi, ce serait simplement quelque chose qui sort des standards. Par exemple, des règles de jeu innovantes, ou juste qu'on qualifierait de bizarres. Je reprends le principe d'un jeu de rôle par exemple, si on remplace les dés par autre chose, par des cartes, ou qu'il y a même plus de tests d'épreuves réalisés utilisant de l'aléatoire, ou alors un jeu de rôle sans classe, ou encore un système qui fonctionne sans aucune règle ou très peu. Après, quand je parle de jeu, c'est pas forcément non plus une question de règles, parce que ça peut être aussi une manière de jouer différente. On pourrait dire qu'un jeu alternatif, ce serait jouer à un jeu standard, mais de manière différente. Je sais pas, moi, jouer avec les pieds. Si on s'amuse, c'est un jeu alternatif. Si je remets ça dans le contexte du jeu de rôle, par exemple, ce serait de la narration partagée. Avec, du coup, un maître de jeu, c'est un rôle qui tourne avec plusieurs joueurs. En fait, je dirais tout simplement que c'est un système de jeu ou une manière de jouer qui casse les codes précédemment établis. Ce que je recherche avant tout dans un jeu alternatif, c'est l'innovation. C'est de jouer avec des nouvelles idées. Personnellement, en tant que créatif, j'aime beaucoup tenter de nouvelles expériences. Et je pense que pour innover, il faut avoir une idée de ce qui se fait en général, mais aussi de voir ce qu'on a pu inventer de nouveau. À partir de ce qui est nouveau, on peut s'en nourrir pour encore créer de nouvelles choses. Parfois on a besoin d'un exemple pour avancer, et je pense que les jeux alternatifs peuvent le permettre. Donc voilà, ça permettrait d'en créer d'autres. Ça peut être en comprenant différemment le concept, en ayant un autre point de vue, ou même en le comprenant mal. De l'incompréhension peuvent naître de nouvelles idées. Ou alors en fusionnant plusieurs concepts alternatifs, ça peut encore en créer un super original. L'intérêt des jeux alternatifs, c'est avant tout la fraîcheur, la découverte, et l'élaboration en fait de nouveaux jeux en s'en inspirant. Si ça nous satisfait pas de jouer à un jeu alternatif par exemple, on pourrait essayer de le recréer à notre sauce et là ça créerait encore un nouveau jeu. C'est de l'innovation à partir de l'innovation. Et puis après simplement, ce que je recherche dans un jeu alternatif, c'est la même chose que dans un jeu standard. Je vais y vivre une aventure pour au final m'amuser. C'est en fait la base profonde de ce que je recherche dans un jeu en général et j'imagine que c'est aussi votre cas.